Le tour d'écrou d'Henry James. Traduction e-books. Chapitre 1. Bien que l'histoire nous eût tenu haletants autour du feu, en dehors de la remarque trop évidente qu'elle était sinistre, ainsi que le doit être essentiellement toute étrange histoire racontée la nuit de Noël dans une vieille maison, je ne me rappelle aucun commentaire jusqu'à ce que quelqu'un hasarda que c'était, à sa connaissance, le seul cas où pareille épreuve eût été subie par un enfant. Dans le cas en question, je le dis en passant, il s'agissait d'une apparition d'une vieille maison semblable à celle où nous nous trouvions rassemblés, apparition d'une horrible espèce, à un petit garçon qui couchait dans la chambre de sa mère. Pris de terreur, il l'a réveillé, et la mère, avant d'avoir pu dissiper la terreur de l'enfant et de le rendormir, se trouvait tout à coup, elle aussi, face à face avec le spectacle qui l'avait bouleversée. Ce fut cette observation qui attira, pas immédiatement, mais un peu plus tard dans la soirée, une certaine réplique de Douglas, laquelle provoqua l'intéressante conséquence sur laquelle j'appelle votre attention. Une autre personne se mit à raconter une histoire assez banale, et je remarquai qu'il ne l'écoutait pas. À ce signe, je compris que lui-même avait quelque chose à dire. Il n'y avait qu'à patienter. De fait, il nous fallut attendre 2 soirées. Mais ce même soir, avant de nous séparer, il nous révéla ce qui le préoccupait. « Je reconnais bien, pour ce qui est du fantôme de Griffin, ou tout ce que vous voudrez que ce soit, que le fait d'apparaître d'abord à un petit garçon d'un âge si tendre ajoute à l'histoire un trait particulier. Mais ce n'est pas à ma connaissance la première fois qu'un exemple de ce genre délicieux s'applique à un enfant. Si cet enfant donne un tour de vis de plus à votre émotion, que direz-vous de 2 enfants ?»« Nous dirons bien entendu, s'écria quelqu'un, que 2 enfants donnent 2 tours et que nous voulons savoir ce qui leur est arrivé. » Je vois encore Douglas. Il s'était levé et adossé à la cheminée, les mains dans les poches. Il regardait son interlocuteur de haut en bas. « Il n'y a jusqu'ici que moi qui ne l'ai jamais su. C'est par trop horrible. » Naturellement, plusieurs voix s'élevèrent pour déclarer que ceci donnait à la chose un attrait suprême. Notre ami, préparant son triomphe avec un art paisible, regarda son auditoire et poursuivit. « C'est au-delà de tout. Je ne sais rien au monde qui en approche. »« Comme effet de terreur ? » demandai-je. Il sembla vouloir dire que ce n'était pas si simple que cela, mais qu'il ne pouvait trouver des termes exacts pour s'exprimer. Il passa sa main sur ses yeux, eut une petite grimace douloureuse. « comme horreur, horrible !»« Oh, c'est délicieux !» s'écria une femme. Il ne parut pas entendre. Il me regardait, mais comme s'il voyait à ma place ce dont il parlait. Comme un ensemble de hideurs, de douleurs et d'horreurs infernales. « Eh bien, lui dis-je, alors veuillez vous asseoir et commencer. » Il se retourna vers le feu, repoussa une bûche du pied et la contempla un instant. Puis revenant à nous, « Je ne peux pas commencer. Il faudra que j'envoie en ville. » À ces mots, un grognement général se fit entendre, accompagné de maints reproches. Il laissa passer, puis s'expliqua, toujours de son air préoccupé. « L'histoire est écrite. Elle est dans un tiroir fermé à clé. Elle n'en est pas sortie depuis des années. Mais je pourrais écrire à mon domestique et lui envoyer la clé. Il m'enverrait le paquet tel qu'il est. » Il semblait m'adresser cette proposition en particulier. Il semblait presque implorer mon aide pour mettre fin à ses hésitations. La couche de glace était brisée qu'il emprisonnait, amoncelée par tant d'hivers. Il avait eu ses raisons pour garder ce long silence. Les autres regrettaient le retard, mais moi je m'enchantais de ses scrupules mêmes. Je l'adjurais d'écrire par le premier courrier et de s'entendre avec nous pour convenir d'une prompte lecture, et je lui demandais si l'expérience en question avait été proprement la sienne. Sa réponse ne se fit pas attendre. « Non, grâce à Dieu !»« Et le récit est-il de vous ? Vous avez noté la chose vous-même ?»« Je n'ai noté que mon impression. Je l'ai inscrite là, et il se touche le cœur. Je ne l'ai jamais perdu. »« Alors votre manuscrit ?»« L'encre en est vieille et pâlie. L'écriture admirable. De nouveau, il tournait autour du sujet avant de répondre. C'est une écriture de femme, d'une femme morte depuis 20 ans. Sur le point de mourir, elle m'envoya les pages en question. Nous écoutions tous maintenant, et naturellement, il se trouva quelqu'un pour faire le plaisantin, ou du moins tirer de ces phrases l'inévitable conséquence. Mais s'il écarta la conséquence sans sourire, il ne montra non plus aucune irritation. C'était une personne délicieuse, mais de 10 ans plus âgée que moi. Elle était l'institutrice de ma sœur, dit-il doucement. Je n'ai jamais rencontré dans cette situation deux femmes plus agréables. Elle était digne d'occuper n'importe laquelle. Il y a longtemps de cela, et l'épisode en question avait eu lieu encore plus longtemps auparavant. J'étais alors à Trinity, et en arrivant pour les vacances, l'été de la seconde année, je la trouvai à la maison. J'y restai beaucoup cette année-là. L'année fut splendide. Je me souviens de nos tours de jardin et de nos conversations à des heures de liberté, conversations où elle m'apparaissait si intelligente et si agréable. Mais oui, ne ricanez pas, elle me plaisait beaucoup, et je suis content aujourd'hui encore de penser que je lui plaisais aussi. Si je ne lui avais pas plu, elle ne m'aurait pas raconté l'histoire. Elle ne l'avait jamais racontée à personne. Et ce n'est pas seulement parce qu'elle me le disait que je le croyais, mais je savais qu'elle n'en avait jamais rien dit. J'en étais sûre. Ça se voyait. Vous comprendrez pourquoi quand vous m'aurez entendu. Parce que l'affaire l'avait trop bouleversée? Il continua de me regarder fixement. « Vous comprendrez tout de suite, » répéta-t-il, « oui, vous comprendrez. » À mon tour, je me mis à le regarder fixement. « Je vois ce que c'est. Elle était amoureuse. » Il rit alors pour la première fois. « Que vous êtes malin. Oui, elle était amoureuse, c'est-à-dire qu'elle l'avait été. Cela sautait aux yeux. Elle ne pouvait pas raconter l'histoire sans que cela sautât aux yeux. Je m'en aperçus, et elle s'aperçut que je m'en apercevais. » Mais aucun de nous n'en parla. Je me rappelle le temps et le lieu, le bout de la pelouse, l'ombre des grands hêtres et les longs et chauds après-midi d'été. Ce n'était pas un décor tragique, et cependant... Il s'éloigna du feu et retomba sur son siège. « Vous recevrez le paquet jeudi matin ?» lui demandai-je. « Pas avant le second courrier, probablement. »« Non, alors après dîner ?» « Je vous retrouverai tous ici ?» Et de nouveau, son regard se posait sur chacun de nous. « Personne ne s'en va. » Il prononça ces mots presque sur un ton d'espoir. « Mais tout le monde veut rester. Moi, je reste. Moi, je reste !» s'écrièrent des dames qui avaient annoncé leur départ. Madame Griffin, cependant, déclara que quelques éclaircissements lui étaient nécessaires. « De qui était-elle amoureuse ?»« L'histoire vous le dira. » me risquai-je à répondre. « Oh, je ne peux pas attendre l'histoire !»« Et l'histoire ne le dira pas, » reprit Douglas, « du moins d'une façon littérale et vulgaire. »« Tant pis alors, car c'est la seule façon dont je comprenne les choses. »« Mais vous, Douglas, ne nous le direz-vous pas ?» demanda un autre de nous. Il se leva brusquement. « Oui, demain. Maintenant, il faut que j'aille me coucher. Bonsoir. » Et saisissant son bouchoir, il nous laissa là, légèrement ahuri. De l'extrémité du grand hall aux boiseries sombres où nous étions réunis, nous entendîmes son pas décroître sur l'escalier. Alors Madame Griffin parla. « Eh bien, si je ne sais pas de qui elle était amoureuse, je sais bien de qui lui l'était. »« Elle était de 10 ans plus âgée que lui, » observa son mari. « Raison de plus, à l'âge qu'il avait, mais c'est vraiment gentil un silence gardé si longtemps. » 40 ans, nota brièvement Griffin. Et son explosion finale. L'explosion, répliquai-je, va faire de la soirée de jeudi quelque chose de formidable. Tous furent tellement d'accord avec moi que rien ne réussit plus à nous intéresser. Cette histoire de Griffin, toute incomplète qu'elle eût été, avec son allure de prologue destinée à piquer notre curiosité, fut la dernière de la soirée. Nous échangeâmes poignées de main et poignées de bougeoir, comme le dit quelqu'un, et nous allâmes nous coucher. Je sus le lendemain qu'une lettre, contenant sa clé, était partie par le premier courrier à l'adresse de l'appartement de Londres. mais en dépit, ou peut-être justement à cause de la diffusion subséquente de ce renseignement, nous laissâmes Douglas absolument tranquille jusqu'après le dîner, en somme jusqu'à l'heure qui s'accordait le mieux au genre d'émotion que nous recherchions. Il devint alors aussi communicatif que nous pouvions le désirer, et alla jusqu'à nous livrer la bonne raison qu'il avait de l'être. Nous recueillîmes sa parole dans le hall, devant le feu, là même où, la veille, s'étaient éveillés nos étonnements ingénus. Il apparut que la narration qu'il avait promis de nous lire avait besoin, pour être comprise, de quelques mots de prologue. Qu'il me soit permis de dire ici nettement, afin de n'avoir plus à y revenir, que cette narration, exactement transcrite par moi beaucoup plus tard, est ce que vous allez lire tout à l'heure. Quand il se sentit près de mourir, le pauvre Douglas me remit ce manuscrit qu'il avait demandé et qui lui était parvenu au bout de 3 jours. Il en commença la lecture le lendemain soir, dans ce même cadre déjà décrit. Et sur notre petit cercle suspendu à ses lèvres, l'effet fut prodigieux. Les dames qui avaient déclaré qu'elles resteraient ne restèrent pas naturellement, Dieu merci. Elles partirent obligées de tenir leurs engagements antérieurs et enflammées d'une curiosité qui était due, assurèrent-elles, aux détails avec lesquels ils nous avaient déjà surexcités. Le petit auditoire final n'en fut que plus intime et plus choisi, serré autour du foyer, dans une même attention d'émotions passionnées. Le premier de ces détails intéressants nous avait appris que le récit du manuscrit commençait lorsque l'histoire, en somme, était déjà engagée. Pour la comprendre, il fallait savoir comment sa vieille amie, l'institutrice de sa sœur, y avait été mêlée. La plus jeune fille d'un pauvre pasteur de campagne, elle débutait dans l'enseignement à 20 ans, quand elle se décida un beau jour à se rendre en toute hâte à Londres sur la demande de l'auteur d'une annonce à laquelle elle l'avait déjà brièvement répondu. Pour se présenter à ce patron en puissance, elle se rendit à une maison de Harley Street qui lui parut vaste et imposante. Et il se trouva qu'un parfait gentleman la reçut, un célibataire à la fleur de l'âge, un type enfin tel que jamais, sauf dans un rêve ou roman d'autrefois, il n'aurait pu en apparaître à une timide et anxieuse enfant fraîchement échappé de son presbytère de Hampshire. Le type est une description facile, car fort heureusement, c'en est un qui ne disparaît point. L'homme était beau, hardi et séduisant, gentiment familier, plein d'entrain et de bonté. Comme cela ne pouvait manquer, il la frappa par ses manières de galant homme, par sa grande allure. Mais ce qui la séduisit le plus et lui inspira le courage qu'elle déploya plus tard, fut sa façon de lui présenter la chose. C'était une grâce à lui faire, une obligation dont il serait heureux de lui conserver une éternelle gratitude. Elle l'estima riche, mais d'une extravagance folle. Il lui apparaissait avec l'auréole de la dernière mode, d'un physique séduisant, d'une prodigalité facile et habituelle, de manières exquises envers les femmes. La vaste maison où il la recevait était remplie et dépouillée de l'étranger, rapportée de ses voyages et de ses trophées de chasse. Mais c'était à sa maison de campagne, vieille demeure familiale du comté d'Essex, qu'il désirait qu'elle se rendît immédiatement. Il était tuteur d'un petit neveu et d'une petite nièce dont les parents étaient morts aux Indes. Leur père, son frère cadet, avait embrassé la carrière militaire. Il était mort 2 ans auparavant. Ses enfants, qui lui tombaient sur les bras par le plus grand hasard, étaient un pesant fardeau pour un homme dans sa situation, sans aucune expérience en la matière et pas pour un sou de patience. Ça avait été une série d'ennuis et certainement, de sa part, une suite d'erreurs. Mais les pauvres mioches lui inspiraient une immense pitié et il faisait pour eux tout ce qu'il pouvait. Par exemple, il les avait envoyés dans son autre demeure, la campagne étant évidemment ce qui leur convenait le mieux, et les avait confiés, dès le début, au personnel le plus qualifié, le meilleur qu'il avait pu trouver, allant jusqu'à se séparer à leur profit de ses propres serviteurs, et se rendant auprès d'eux aussi souvent que possible, voir comment allaient les choses. Le gros ennui était que, pratiquement parlant, il n'avait pas d'autres parents que lui, et ses propres affaires lui prenaient tout son temps. Il les avait installées à Bly, dont la sécurité et la salubrité étaient indiscutables. Il y avait comme chez eux, pour diriger leur intérieur, mais seulement au point de vue matériel, il y avait placé une excellente femme, Mrs. Groves, ancienne femme de chambre de sa mère, qui plairait certainement à sa jeune visiteuse. Elle servait de femme de charge et remplissait, pour le moment, le rôle d'une espèce de gouvernance auprès de la petite fille, à laquelle, fort heureusement, elle était extrêmement attachée, n'ayant pas d'enfant à elle. Le personnel était nombreux, mais bien entendu, la jeune personne qu'il enverrait en qualité d'institutrice aurait la haute main sur tout ce monde. Pendant les vacances, elle aurait aussi à surveiller le petit garçon qui était au collège depuis un trimestre, bien que très jeune. Mais qu'y avait-il de mieux à faire? Les vacances étant près de commencer, il devait arriver d'un moment à l'autre. Les enfants avaient eu tout d'abord auprès d'eux une jeune fille qu'ils avaient eu le malheur de perdre. C'était une personne des plus recommandables. Elle avait fait admirablement l'affaire jusqu'à sa mort, dont le grand contretemps, justement, n'avait pas laissé d'autre alternative que de mettre le petit Miles au collège. À partir de ce moment, Mrs. Groves avait fait de son mieux pour veiller aux bonnes manières de Flora et de ne la laisser manquer de rien. En outre, il y avait une cuisinière, une femme de chambre, une fille de ferme, un vieux poney, un vieux palefrenier et un vieux jardinier, tout cela éminemment recommandable. Douglas en était là de son récit quand on lui posa la question suivante. « Et de quoi cette première institutrice était-elle morte? De tant de respectabilité ?» La réponse ne se fit pas attendre. « Cela viendra à son heure, je ne veux pas anticiper. Pardonnez-moi, je croyais que c'était justement ce que vous étiez en train de faire. » À la place du successeur, suggérai-je, j'aurais désiré savoir si la situation entraînait un danger de mort. Douglas compléta ma pensée. Oui, elle désira le savoir, et elle le sut en effet, comme vous l'apprendrez demain. En attendant, les choses lui parurent, il est vrai, se présenter sous un jour un peu inquiétant. Elle était jeune, intimidée, inexpérimentée. Il s'ouvrait devant elle une perspective de graves devoirs dans un entourage fort restreint. Elle allait en somme au-devant d'une grande solitude. Elle hésita pendant 2 jours. Elle réfléchit, elle prit conseil. Mais le salaire offert dépassait tout ce qu'elle pouvait espérer, et après une seconde entrevue, elle signa son engagement. Douglas fit une pause dont je profitai pour lancer cette remarque au plus grand bénéfice de la société. La morale de tout ceci est que le beau jeune homme exerçait une séduction irrésistible à laquelle elle succomba. Il se leva et, comme la soirée précédente, s'approchant du feu, il repoussa une bûche du pied et demeura un instant le dos tourné. Elle ne le vit que 2 fois. Oui, mais justement, ce qui fait la beauté de la passion. M'entendant parler ainsi, Douglas, à mon léger étonnement, se retourna vers moi. Oui, c'est ce qui en fit la beauté. D'autres, continua-t-il, n'y avaient pas succombé. Il lui déclara franchement les difficultés qu'il éprouvait dans sa recherche. À plusieurs candidates, les conditions avaient paru impossibles. Elles en semblaient effrayées en quelque sorte, et encore davantage quand on apprenait la principale condition. Qui était? Qu'elle ne devait jamais venir le troubler pour quoi que ce fût, mais jamais, jamais, ni l'appeler, ni se plaindre, ni lui écrire, mais résoudre soi-même toutes les difficultés qui se présenteraient, recevoir de son notaire l'argent nécessaire, se charger de tout et le laisser tranquille. Elle le lui promit, et elle m'a avoué que lorsque, soulagé et ravi, il tint un instant ses mains dans les siennes, la remerciant de son sacrifice, elle s'était déjà sentie récompensée. « Mais fût-ce là toute sa récompense ?» demanda une dame. Elle ne le revit jamais. « Oh !» dit la dame, et notre amie nous ayant quittés immédiatement après, ce fut le dernier mot significatif prononcé sur ce sujet jusqu'au soir suivant, où, assis dans le meilleur fauteuil, au coin du feu, il ouvrit un mince album à la couverture d'un rouge fané aux tranches dorées à l'ancienne mode. La lecture prit plus d'une soirée, mais à la première occasion, la même dame posa une autre question. Quel est votre titre? Je n'en ai pas. Oh bien, j'en ai un, moi, dis-je. Mais Douglas, sans m'entendre, avait commencé de lire avec une articulation nette et pure qui rendait comme sensible à l'oreille l'élégance de l'écriture de l'auteur. Chapitre 2. Je ne me rappelle tout ce commencement que comme une succession de hauts et de bas, un va-et-vient d'émotions diverses, tantôt bien naturelles et tantôt injustifiées. Après le sursaut d'énergie qui m'avait entraîné en ville à accepter sa demande, j'eus deux bien mauvais jours à passer. Tous mes doutes s'étaient réveillés, je me sentais sûr d'avoir pris le mauvais parti. Ce fut dans cet état d'esprit que je passai de longues heures du voyage dans une diligence cahotante et mal suspendue qui m'amena à la halte désignée. J'y devais rencontrer une voiture de la maison où je me rendais, et je trouvai en effet, vers la fin d'un après-midi de juin, un coupé confortable qui m'attendait. En traversant à une telle heure, par un jour radieux, un pays dont la souriante beauté semblait me souhaiter une amicale bienvenue, toute mon énergie me revint, et au tournant de l'avenue, m'inspira un optimisme ailé qui ne pouvait être que la réaction à bien profond découragement. Je suppose que j'attendais ou craignais quelque chose de si lamentable que le spectacle qui m'accueillait était une exquise surprise. Je me rappelle l'excellente impression que me fit la grande façade claire, toutes fenêtres ouvertes, les deux servantes qui guettaient mon arrivée. Je me rappelle la pelouse et les fleurs éclatantes, le crissement des roues sur le gravier, les cimes des arbres qui se rejoignaient et au-dessus desquels les corneilles décrivaient de grands cercles en criant dans le ciel d'or. La grandeur de la scène m'impressionna. C'était tout autre chose que la modeste demeure où j'avais vécu jusqu'ici. Une personne courtoise, tenant une petite fille par la main, apparut sans tarder à la porte. Elle me fit une référence aussi cérémonieuse que si j'eusse été la maîtresse de maison ou un hôte de première importance. L'impression qui m'avait été de donner de l'endroit à Harley Street était beaucoup plus modeste. Je me rappelle que le propriétaire m'en parut encore plus gentilhomme, et cela me fit penser que les agréments de la situation pourraient être supérieurs à ce qu'il m'avait laissé entendre. Je n'eus aucune déception jusqu'au jour suivant, car je passai des heures triomphantes à faire la connaissance de ma plus jeune élève. Cette petite fille, qui accompagnait Mrs. Groves, me frappa sur le champ comme une créature tellement exquise que c'était un véritable bonheur d'avoir à s'occuper d'elle. Jamais je n'avais vu plus bel enfant, et plus tard, je me demandais comment il se faisait que mon patron ne m'en eût pas parlé. Je dormis peu cette première nuit, j'étais trop agitée, et cela me frappa, je m'en souviens, m'obséda, s'ajoutant à l'impression causée par la générosité de l'accueil qui m'était offert. Ma grande chambre imposante, l'une des plus belles de la maison, son grand lit qui me paraissait un lit de parade, les lourdes tentures à ramages, les hautes glaces dans lesquelles, pour la première fois, je me voyais de la tête aux pieds, tout me frappait, de même que l'étrange attrait de ma petite élève, comme étant un ordre de choses naturelles ici. Ce fut aussi, dès le premier jour, une chose toute naturelle que mes rapports avec Mrs. Groves. J'y avais réfléchi avec inquiétude pendant mon voyage en diligence. Le seul motif qui, à première vue, aurait pu renouveler cette inquiétude était sa joie anormale de mon arrivée. Dès la première demi-heure, je la sentis contente au point qu'elle se tenait positivement sur ses gardes. C'était une forte femme, simple, nette et saine. Pour ne pas trop le montrer, je m'étonnais un peu à ce moment qu'elle préférât s'en cacher, et à la réflexion, évidemment, quelques soupçons auraient pu s'élever en moi à ce sujet et me causer du malaise. Mais c'était un réconfort de penser qu'aucun malaise ne pouvait surgir de cette vision béatifique qu'était l'image radieuse de ma petite fille, vision dont l'angélique beauté était, plus que tout le reste probablement, la cause de cette agitation qui, dès avant le jour, me fit me lever et marcher à travers ma chambre avec le désir de me pénétrer davantage du décor et de la vue tout entière, de guetter de ma fenêtre l'aurore commençante d'un jour d'été, de découvrir les autres parties de la maison que ma vue ne pouvait embrasser, et tandis que dans l'ombre finissante, les oiseaux commençaient à s'appeler, entendre peut-être de nouveau certains sons moins naturels et venant non du dehors mais du dedans, et que je me figurais avoir entendu. Un moment, j'avais cru reconnaître, faible et dans l'éloignement, un cri d'enfant. À un autre, j'avais tressailli presque inconsciemment, comme au bruit d'un pas léger qui se serait fait entendre devant ma porte. Mais de telles imaginations n'étaient pas assez accusées pour n'être pas aisément repoussées, et ce n'est qu'à la lumière, ou plutôt à l'ombre, des événements postérieurs qu'elles me reviennent à la mémoire. Surveiller, instruire, former la petite Flora, c'était là, à n'en pas douter, l'œuvre d'une vie heureuse et utile. Nous avions convenu, après le souper, qu'après la première nuit, elle coucherait, bien entendu, dans ma chambre, son petit lit blanc y étant déjà tout arrangé à cet effet. Je devais me charger d'elle complètement, et elle ne restait une dernière fois auprès de Mrs. Groves que par déférence pour mon dépaysement inévitable et sa timidité naturelle. En dépit de cette timidité, je me sentais sûre d'être vite aimée d'elle. Chose bizarre, l'enfant s'était expliqué franchement et bravement à ce sujet. Elle nous avait laissés sans aucun signe de malaise, avec véritablement la douce et profonde sécurité d'un ange de Raphaël, en discuter, l'admettre et nous y soumettre. Une part de ma sympathie pour Mrs. Groves venait du plaisir que je lui voyais éprouver devant mon admiration et mon émerveillement, tandis que j'étais assise avec mon élève devant un souper de pain et de lait, éclairé de 4 hautes bougies, l'enfant en face de moi sur sa haute chaise, en tablier à bavette. En présence de Flora, naturellement, il y avait bien des choses que nous ne pouvions nous communiquer que par des regards joyeux et significatifs, ou des allusions indirectes et obscures. Et le petit garçon, lui ressemble-t-il? Est-il aussi très remarquable? Il ne convenait pas, ainsi que nous nous l'étions déjà dit, de flatter trop ouvertement les enfants. « Oh, mademoiselle des plus remarquables, vous trouvez cette petite-là gentille ?» Et elle se tenait debout, une assiette à la main, regardant avec un sourire rayonnant la petite fille dont les 12 yeux célestes allaient de l'une à l'autre de nous, sans que rien en eux nous portât à cesser nos louanges. « Eh bien, si, en effet, je trouve. Vous allez être emballé par le petit monsieur. Il me semble vraiment que je ne suis venue ici que pour cela, pour m'emballer surtout. Je crois cependant reconnaître, ajoutai-je, comme malgré moi, que je m'emballe un peu trop facilement. À Londres aussi, je me suis emballée. » Je vois encore le large visage de Madame Groves, tandis qu'elle pénétrait le sens de mes paroles. « À Harley Street ?»« À Harley Street, oui. » « Eh bien, mademoiselle, vous n'êtes pas la première, et vous ne serez pas la dernière non plus. »« Oh, répondis-je, en réussissant à rire, je n'ai pas la prétention d'être la seule. En tout cas, mon autre élève, à ce que j'ai compris, arrive demain. »« Pas demain, mademoiselle, vendredi. Il arrivera, comme vous, par la diligence, sous la surveillance du conducteur. On lui enverra la même voiture qu'à vous. » Je hasardai alors la question de savoir s'il ne serait pas convenable, autant que gentil et amical, de me trouver avec sa petite sœur à l'arrivée de la voiture publique. Madame Groves accéda si cordialement à cette proposition qu'elle me donna l'impression de prendre, pour ainsi dire, l'engagement réconfortant. Il fut toujours fidèlement tenu. Dieu merci d'être de mon avis sur tous les sujets, qu'elle était donc contente que je fusse là. Ce que j'éprouvai le jour suivant ne peut vraiment pas s'appeler une réaction contre l'allégresse de mon arrivée. Ce n'était probablement, au pire, qu'une légère oppression due à une observation plus précise des circonstances qui m'entouraient, lorsque, pour ainsi dire, j'en fis le tour, je les examinai, je m'en pénétrai. Elles avaient, ces circonstances, une étendue et une masse auxquelles je n'étais pas préparée. En face d'elles, je me sentis tout d'abord vaguement décontenancée, autant qu'assez fière. Les leçons proprement dites souffrirent certainement de mon agitation. Je pensais que mon premier devoir était de créer une intimité entre l'enfant et moi en usant de toutes les séductions en mon pouvoir. Je passai donc la journée dehors avec elle. À sa grande satisfaction, il fut convenu entre nous que ce serait elle, elle seule, qui me ferait visiter la maison. Elle me la fit visiter pas à pas, pièce à pièce, cachette par cachette, m'entretenant de son amusant et délicieux bavardage enfantin qui eut pour résultat, au bout d'une demi-heure, de faire de nous une paire d'amis. Tout enfant qu'elle était, elle me frappa pendant notre tournée par son courage et son assurance. Toute sa façon d'être, dans les chambres vides et dans les sombres corridors, dans les escaliers en vis où j'étais, moi, obligé par moments de m'arrêter, et jusque sur le sommet d'une vieille tour à mâchicoulis qui me donnait le vertige, oui, son ramage d'aurore, son penchant à donner des explications plutôt qu'à en demander, toute sa manière d'être, exultante et dominatrice, m'étourdissait et m'entraînait. Je n'ai jamais revu Bly depuis le jour où je le quittais, et sans doute paraîtrait-il bien diminué à mes yeux vieillis et blasés. Mais tandis que ma petite conductrice, avec ses cheveux d'or et sa robe d'azur, bondissait devant moi au tournant des vieux murs et sautillait le long des corridors, il me semblait voir un château de roman habité par un lutin aux joues de rose, un lieu auprès duquel pâliraient les contes de fées et les plus belles histoires d'enfants. Tout ceci n'était-il pas un conte sur lequel je sommeillais et rêvassais? Non, c'était une grande maison vieille et laide, mais commode, qui avait conservé quelques parties d'une construction plus ancienne, à demi détruite, à demi utilisée. Notre petit groupe m'y apparaissait presque aussi perdu qu'une poignée de passagers sur un grand vaisseau à la dérive. Et c'était moi qui tenais le gouvernail. Chapitre 3. Je m'en rendis bien compte quand, 2 jours plus tard, nous allâmes en voiture à la rencontre du petit monsieur, comme disait Mrs. Groves, et d'autant plus qu'un incident survenu le second soir m'avait profondément déconcerté. Ce premier jour, dans son ensemble, comme je l'ai dit, avait été rassurant. Mais je devais voir son ton changer. Le courrier de ce soir-là, qui arriva tard, apportait une lettre pour moi. Elle était écrite par mon patron, mais ne contenait que peu de mots, et en renfermait une autre adressée à lui-même, dont le cachet n'était pas rompu. Je reconnais ceci comme venant du directeur du collège, et ce directeur est un horrible raseur. Veuillez en prendre connaissance, traitez la question avec lui, et par-dessus tout, ne m'en parlez pas. Pas un mot. Je pars. Il me fallut faire un grand effort pour briser le cachet, un tel effort que je fus longtemps avant de me décider. Enfin, j'emportai la lettre, toujours cachetée dans ma chambre, et ne l'attaquai que juste avant de me coucher. J'aurais mieux fait d'attendre jusqu'au lendemain, car elle me procura une seconde nuit sans sommeil. N'ayant personne à qui demander avis, je me sentais fort anxieuse le jour suivant, et finalement mon anxiété s'accrut à un tel point que je me décidai à me confier au moins à Mrs. Groves. Qu'est-ce que cela veut dire? Le petit est renvoyé du collège? Je fus frappée du regard qu'elle me lança, puis visiblement, avec une indifférence rapidement reconquise, elle essaya de se rattraper. Mais tous les élèves ne sont-ils pas renvoyés chez eux? Oui, mais seulement pour la durée des vacances. Miles, lui, ne devra plus retourner au collège. Sous mon regard attentif, elle perdit son assurance et rougit. Ils ne veulent pas le garder? Ils s'y refusent absolument. À ces mots, elle leva sur moi ses yeux qu'elle avait détournés. Je les vis pleins de bonnes larmes. Mais qu'a-t-il fait? J'hésitai. Puis je jugeai que le mieux était de lui communiquer le document. Je le lui tendis, ce qui eut pour effet de lui faire mettre très simplement les mains derrière le dos, sans le prendre. Elle secoua tristement la tête. « Ces choses-là ne sont pas faites pour moi, mademoiselle !» Ma conseillère ne savait pas lire. Je tressaillai de surprise, et atténuant ma faute de mon mieux, je rouvris la lettre pour la lui lire, puis toute balbutiante d'émotion, je la repliai de nouveau et la remis dans ma poche. « Est-ce vraiment un mauvais garçon ?» Ses yeux étaient toujours pleins de larmes. « Ces messieurs le disent-ils ? » « Ils ne donnent aucun détail. Ils expriment simplement leur regret de ce qui leur est impossible de le garder. Il n'y a qu'un sens à cela. » Mrs. Groves m'écoutait dans un silence ému. Elle ne se permit pas de me demander quel était ce sens, de sorte que pour donner plus de cohérence à la chose et la rendre plus présente à mon esprit, En lui faisant part, je continuai. Parce qu'il ferait du mal aux autres. À ces mots, avec un de ces brusques sursauts des gens simples, elle s'enflamma subitement. Mr. Miles, lui faire du mal! Il y avait un tel accent de bonne foi dans ses paroles que, bien que je n'eusse pas encore vu l'enfant, je me sentis poussée, et par ma crainte même, à trouver en effet cette pensée absurde. Abondante aussitôt dans le sens de mon ami, je soulignai sarcastiquement « Faire du mal à ces pauvres petits camarades innocents !»« Mais c'est trop affreux !» s'écria Mrs. Groves, « de dire de cruautés pareilles. Mais il a 10 ans à peine !»« Mais oui, c'est impossible à croire !» Elle me fut évidemment reconnaissante de cette déclaration. « Voyez-le d'abord, mademoiselle, et croyez cela après, si vous voulez !» De nouveau, je me sentis une grande impatience de le voir. Un sentiment de curiosité s'éveillait en moi qui devait, pendant les heures suivantes, croître jusqu'à la souffrance. Mrs. Groves, je m'en aperçus, vit l'impression qu'elle m'avait faite et insista avec assurance. « Vous pourriez en dire autant alors de la petite demoiselle, Dieu la bénisse » ajouta-t-elle. « Regardez-la !» Je me retournai. À la porte ouverte, Flora, que j'avais installée 10 minutes auparavant dans la salle d'études, avec une feuille de papier blanc, un crayon et une belle copie de beaux hauts bien ronds à me faire, Flora se présentait à notre vue. Avec ses petites manières enfantines, elle montrait un détachement extraordinaire pour ceux qui l'ennuyaient. Mais cependant, son regard, plein de ce grand rayonnement lumineux de l'enfance, semblait donner simplement comme explication de sa conduite l'affection qu'elle avait conçue pour moi et qu'il avait forcée de me suivre. Que fallait-il de plus pour me faire sentir toute la justesse de la comparaison de Mrs. Groves? Aussi, je serrai mon élève dans mes bras en la couvrant de baisers auxquels je mêlai un sanglot de pénitence. Néanmoins, tout le reste du jour, je guettai l'occasion de joindre ma collègue, d'autant plus que, vers le soir, il me sembla qu'elle cherchait à m'éviter. Je la rattrapai, je m'en souviens, dans l'escalier. Nous descendîmes ensemble, et arrivé à la dernière marche, je la retins en posant ma main sur son bras. Je conclus, n'est-ce pas, d'après ce que vous m'avez dit ce matin, que vous ne l'avez jamais vue se mal conduire. Elle rejeta la tête en arrière. Manifestement, elle avait, à cette heure, pris le parti de se composer une attitude. « Oh, jamais vu, je ne prétends pas cela !» De nouveau, je me sentis extrêmement troublée. « Alors, vous l'avez vue ?»« Mais oui, mademoiselle, Dieu merci !» Après réflexion, je ne protestai point contre cette réponse. « Vous voulez dire qu'un garçon qui jamais... »« Ce n'est pas ce que j'appelle un garçon !» Je la serrai de plus près. « Vous aimez cet entrain des mauvais sujets ?» Puis, anticipant sa réponse, « Moi aussi, déclarai-je passionnément, mais pas au point de contaminer. »« De contaminer ?» Ce grand mot l'égarait. Je lui expliquai. « De corrompre, veux-je dire ?» Elle ouvrit de grands yeux quand à la fin elle comprit, et cela la fit rire d'un rire singulier. « Craignez-vous qu'il vous corrompre vous-même ?» Elle me posa la question avec une belle humeur si hardie, que je me mis pour toute réponse à rire aussi, un peu niaisement sans doute, et je cédai à la crainte du ridicule. Mais le lendemain, vers le moment où je devais monter en voiture, je tombai sur elle dans un autre coin de la maison. « Dites-moi, qu'est-ce que cette jeune femme qui était ici avant moi ?»« La dernière institutrice ? Elle aussi était jeune et jolie, presque aussi jeune et presque aussi jolie que vous, mademoiselle. » « Eh bien, j'espère que sa jeunesse et sa beauté lui auront servi à quelque chose, » répondis-je. « Il m'en souvient à l'étourdi. »« Il me semble qu'il nous préfère jeune et jolie. » »« Pour cela, oui, Mrs. Groves, c'est ce qu'il recherchait chez tout le monde. » À peine eut-elle prononcé ces mots, qu'elle tenta de les rattraper. « Je veux dire que tel est son goût, le goût de notre maître. Hein. » J'étais saisie. « Mais de qui parliez-vous alors tout à l'heure ?» Ses yeux demeurèrent sans expression, mais elle rougit. « De lui, donc ? De notre maître ? De quel autre pourrais-je parler ?» Il était tellement évident que ce ne pouvait être de personne d'autre que, l'instant après, j'avais oublié l'impression que, par mégarde, elle en avait dit plus qu'elle ne voulait. Je demandais seulement ce qui m'intéressait. « Et elle, vit-elle jamais chez le petit ? Quelque chose qui ne fut pas bien ? Elle ne l'a jamais dit. Je dominai un scrupule pour poursuivre. Était-elle attentive, délicate? Mrs. Gross feignit de s'appliquer à faire une réponse consciencieuse. Sur certains points, oui. Mais pas sur tous. Elle réfléchit de nouveau. Voyons, mademoiselle, elle n'est plus là. Je ne veux pas faire de rapport sur elle. Je comprends parfaitement votre sentiment, me hâtai-je de répliquer. Mais un moment plus tard, je ne crus pas contredire cette concession en poursuivant. Elle est morte ici? Non, elle avait quitté. Je ne sais pourquoi ces brèves réponses de Madame Gross me frappaient comme ambiguës. Elle avait quitté pour aller mourir? Mrs. Gross regardait par la fenêtre, droit devant elle, mais je sentais que, par définition, j'avais le droit de savoir comment étaient traitées les jeunes personnes engagées à Bly. Vous voulez dire qu'elle était tombée malade et qu'elle est retournée chez elle? Elle n'était pas tombée malade ici, à la voir. À la fin de l'année, elle partit passer chez elle de courtes vacances, à ce qu'elle dit. Étant donné le temps qu'elle avait passé ici, elle y avait certes bien droit. Nous avions alors depuis quelque temps une jeune bonne qui s'occupait des enfants sous ses ordres. C'était une brave fille qui savait bien son affaire, et elle se chargea d'eux pendant son absence. Mais notre jeune institutrice ne revint jamais. Au moment même où je m'attendais à son retour, notre maître m'apprit qu'elle venait de mourir. Je me remis à rêver là-dessus. Mais de quoi? Il ne me l'a pas dit, mais s'il vous plaît, mademoiselle, dit Mrs. Gross, il faut que je retourne à mon ouvrage. Et elle me tourna le dos. Chapitre 4. Fort heureusement pour les préoccupations qui me tourmentaient, à juste titre, ce geste impertinent ne pouvait arrêter la croissance de notre estime mutuelle. Après que j'eus ramené le petit Miles à la maison, nous nous rencontrâmes plus intimement que jamais sur le terrain de ma stupéfaction, de mon émotion, de l'émotion qui me secouait toute, tellement il me semblait monstrueux qu'on pût mettre en interdit un enfant tel que celui dont je venais de faire la connaissance. Je m'étais mise un peu en retard pour aller le prendre, et s'il tenait à la porte de l'auberge où la diligence l'avait déposé, attendant pensivement mon arrivée, je me sentis instantanément à sa vue que cette même éclatante fraîcheur, ce même véritable parfum de pureté que j'avais, dès le premier moment, respiré auprès de sa sœur, l'environnait et le pénétrait aussi. Il était incroyablement beau, et Mrs. Groves avait dit vrai. En sa présence, tout sentiment s'abolissait pour ne plus laisser place qu'à une sorte de tendresse passionnée. Ce qui, sur le champ, me prit le cœur, fut quelque chose de divin que je n'ai jamais rencontré au même degré chez aucun autre enfant. Un indescriptible petit air de ne rien savoir de ce monde, hors l'amour. On ne pouvait porter une mauvaise réputation avec une grâce plus innocente, et lorsque j'atteignis Bly avec lui, je me sentais absolument confondu, pour ne pas dire outragé, à l'idée du sous-entendu de l'horrible lettre que je tenais sous clé dans un tiroir de la chambre. Aussitôt que je pus, dans le privé, échanger quelques mots avec Mrs. Gross, je lui déclarai que c'était grotesque. Elle me comprit immédiatement. « Vous voulez parler de cette affreuse accusation ?»« Elle ne tient pas debout, ma chère dame, regardez-le donc. » Elle sourit à ma prétention de découvrir son charme. « Je ne fais pas autre chose, je vous assure, mademoiselle. Qu'allez-vous dire alors ? » ajouta-t-elle immédiatement. « En réponse à cette lettre ?» Mon parti était pris. « Rien du tout. » Et à son oncle, ma réponse fut sèche. « Rien du tout. » Et au petit lui-même. Je ne me reconnaissais plus. « Rien du tout. » Elle s'essuya vivement le visage avec son tablier. « Alors je vous soutiens. Nous irons jusqu'au bout. » « Nous irons jusqu'au bout !» répétai-je ardemment, comme en écho, et je lui tendis la main pour sceller notre contrat. Elle me la retint un moment, puis de nouveau, le tablier remonta vivement vers son visage. « M'en voudriez-vous, mademoiselle, si je prenais la liberté de m'embrasser ? Oh non !» Et je saisis la bonne créature dans mes bras, et après nous être embrassés comme deux sœurs, je me sentis plus énergique et plus indignée que jamais. Les choses en restèrent là pendant un certain temps, mais un certain temps s'y remplit que, pour discerner aujourd'hui la marche des événements, Il me faut appeler tout mon art à mon secours. Ce qui me remplit maintenant de stupeur, c'est d'avoir accepté une pareille situation. J'avais entrepris avec ma compagne de tirer la chose au clair, et nous étions décidés à aller jusqu'au bout. Un charme, apparemment, me tenait sous son influence et dissimulait à mes propres yeux les graves et lointaines conséquences de cette tâche. J'étais soulevée par une immense vague de passion et de pitié. Dans mon ignorance, mon aveuglement, peut-être aussi ma fatuité, je trouvais tout simplement d'assumer la direction d'une éducation de garçon qui, à tout prendre, n'en était encore qu'à ses débuts. Je suis même incapable de me rappeler aujourd'hui ce que je comptais faire à la fin des vacances pour la reprise de ses études. En théorie, il était admis entre nous que je lui donnerais des leçons pendant tout ce bel été, mais je me rends compte maintenant que durant des semaines, ce fut plutôt moi qui pris des leçons. J'appris tout de suite une chose que ne m'avait pas enseignée ma vie modeste et étouffée. J'appris à m'amuser, même à être amusante et à ne pas songer au lendemain. C'était la première fois, en quelque sorte, que je jouissais de l'espace, de l'air, de la liberté, de toute la musique de l'été et de tout le mystère de la nature. Et puis il y avait cette considération dont on m'entourait, et la considération est si douce à savourer. Ah, c'était un piège, non pas préparé, mais dangereux, un piège tendu à mon imagination, à ma délicatesse, peut-être à ma vanité, à tout ce qui était du plus vulnérable en moi. En un mot, je n'étais plus jamais sur mes gardes, je m'abandonnais les yeux fermés. Les petits me donnaient si peu de mal, ils étaient d'une douceur si extraordinaire. Je me demandais parfois, mais sans jamais sortir de ma rêverie décousue, comment le brutal avenir, tout avenir est brutal, les traiterait, les blesserait peut-être. En eux brillait la fleur de la santé et du bonheur. Et cependant, comme s'ils eussent été de petites altesses, des princes du sang autour desquels, pour être dans l'ordre, tout doit être enclos, discipliné et arrangé, la seule forme d'exigence que mon imagination voyait les années futures leur apporter était dans un prolongement romantique et vraiment royal de leurs jardins et de leurs parcs. Il se peut, bien entendu, que ce soit surtout au choc qui subitement brisa tout, que soit dû le charme de paix profonde qui, rétrospectivement, part à mes yeux cette première période. Elle m'apparaît comme noyée dans le mystère où les choses se préparent et se rassemblent. Le changement qui se produisit fut exactement semblable au bondissement d'un fauve. Les premières semaines s'étaient écoulées pendant la saison des longs jours. Souvent, à leur plus beau moment, j'avais pu jouir de ce que j'appelais mon heure à moi, l'heure pendant laquelle, les enfants ayant pris leur thé et ayant été se coucher, je pouvais m'accorder un bref entracte avant de me retirer moi-même. Quelle que fût mon affection pour mon entourage, cette heure était le moment que je préférais. Et ce que je préférais à tout, c'était quand le jour tombait, je devrais dire plutôt quand il s'attardait et que les derniers appels des derniers oiseaux s'échangeaient dans les vieux arbres sous le ciel enflammé. C'était de faire un tour dans les parterres et de jouir, avec un sentiment de propriétaire qui me flattait et m'amusait, de la noblesse et de la beauté de ces lieux. C'était un plaisir de sentir là, tranquille, ayant une tâche à remplir. Sans doute c'en était un aussi de penser que ma discrétion, mon simple bon sens, et d'une façon générale, la correction et l'élévation de mon caractère faisaient plaisir, si elle y pensait jamais, à la personne au désir de qui j'avais cédé. Ce que je faisais maintenant, c'était ce qu'il avait ardemment désiré, ce qu'il m'avait demandé dès le premier abord, et que je fusse capable de le faire me causer une joie plus grande même que je n'avais osé l'espérer. Je m'apparaissais sans doute à mes propres yeux comme une jeune femme remarquable, et la pensée que, tôt ou tard, cela se saurait publiquement, m'était d'un grand réconfort. Eh bien oui, il fallait être remarquable pour affronter les événements remarquables qui allaient se présenter. Ce fut un jour, au beau milieu de mon heure de récréation. Les enfants étaient bordés dans leur lit, et j'étais sortie faire mon tour. L'une des pensées qui m'accompagnait dans ces flâneries, je ne rougis nullement de le dire aujourd'hui, était que ce serait charmant aussi charmant qu'un roman, de rencontrer subitement quelqu'un. Quelqu'un apparaîtrait là, au tournant d'une allée, devant moi, et avec un sourire, me donnerait son approbation. Je n'en demandais pas davantage, qu'il sût seulement, et la seule façon d'être certaine qu'il sût serait de le lire sur son beau visage, lumineux et bon. Tout cela était exactement présent à mes yeux, je veux dire l'image que je suscitais, la première fois que se produisit un de ces remarquables événements. C'était à la fin d'un long jour du mois de juin. Je m'arrêtais net au tournant d'un massif, en vue de la maison. Ce qui m'avait cloué au sol, en proie à un bouleversement qu'aucune vision ne suffisait à expliquer, était la sensation que mon imagination, en un éclair, avait pris corps. Il était là, mais très haut, au-delà de la pelouse, au sommet de la tour où m'avait conduite la petite Flora le premier matin. Cette tour faisait pendant à une autre tour semblable. C'étaient deux constructions carrées à créneaux, sans aucun rapport avec le reste de l'architecture. Pour une raison à moi inconnue, on les dénommait l'une l'ancienne, l'autre la nouvelle tour. Elles flanquaient deux côtés opposés de la maison et n'étaient probablement que deux aberrations d'architectes, sauvées tout de même un peu en ce qu'elles n'étaient pas tout à fait isolées ni d'une élévation trop prétentieuse. Leur fausse antiquité, d'ailleurs, datait de l'époque romaine, déjà devenue du respectable passé. Je les admirais, j'en rêvais même, car elles nous frappaient tous, surtout quand elles surgissaient dans l'ombre par la proportion démesurée de leurs créneaux. Néanmoins, ce n'était pas à cette hauteur insolite que la figure, si souvent invoquée par moi, semblait le mieux à sa place. Elle produisit en moi, cette figure dans le clair crépuscule, je m'en souviens, deux vagues d'émotions bien distinctes. En somme, elles ne furent que le sursaut qui suivit ma première, puis ma seconde surprise. La seconde fut la perception violente de l'erreur de la première. L'homme que je voyais n'était pas la personne que j'avais précipitamment cru devoir être là. J'en éprouvais un bouleversement de mes facultés visuelles, tel qu'après tant d'années écoulées, je ne puis encore en trouver l'équivalent. Un homme inconnu, dans un lieu solitaire, constitue, on l'admettra, un objet propre à effrayer une jeune personne élevée dans le sein de sa famille, et la figure qui se dressait devant moi, quelques secondes suffirent à m'en assurer, ressemblait aussi peu à toute autre personne de ma connaissance qu'à celle dont l'image remplissait mon esprit. Je ne l'avais pas vue à Harley Street, je ne l'avais vue nulle part ailleurs. De plus, le lieu même, de la façon la plus étrange du monde, s'était transformé en un instant et par le fait de l'apparition en une solitude absolue. Et pour moi, tout au moins, pour moi qui m'applique à recomposer mes impressions d'alors avec une réflexion délibérée que je n'y ai encore jamais apportée, la sensation de ce jour-là me revient tout entière. C'était, tandis que je m'imprégnais évidemment de tout ce que mes sens pouvaient saisir, c'était comme si tout le reste de la scène eût été frappé de mort. Tandis que j'écris ceci, j'entends de nouveau l'intense silence où s'évanouirent les bruits du soir. Les corneilles ne croassèrent plus dans le ciel d'or, et pendant une indicible minute, leur exquise n'eut plus de voix. Mais il n'y avait point d'autre changement dans la nature, à moins que ce n'en fût un devoir, comme je voyais maintenant, avec une si étrange netteté. L'or demeurait dans le ciel, la transparence dans l'atmosphère, et l'homme qui me regardait par-dessus les créneaux était aussi distinct qu'un portrait dans son cadre. C'est ce qui me fit penser, avec une rapidité extraordinaire, à toutes les personnes qu'il aurait pu être et qu'il n'était pas. Nous nous confrontâmes à travers l'espace assez longtemps pour qu'il me fût loisible de me demander intensément qui donc il était et pour éprouver, devant mon incapacité à me répondre, un étonnement d'une croissante intensité. La grande question, du moins l'une des questions qui se posent plus tard à l'égard de certains faits, c'est, je le sais, d'évaluer le temps qu'ils ont duré. Eh bien, pour le fait en question, il dura, vous pouvez en penser ce que vous voudrez, le temps d'une douzaine de suppositions. À mon avis, pas meilleures les unes que les autres, se présentassent à mon esprit pour expliquer l'existence dans la maison, et surtout depuis quand, d'une personne que je n'y soupçonnais pas. il dura le temps de me froisser un peu en songeant que dans ma situation, une telle ignorance, non plus qu'une telle présence, n'était admissible. Il dura en tout cas le temps que ce visiteur, marqué étrange de familiarité, il ne portait point de chapeau, je m'en souviens, que ce visiteur pût de sa place sembler me fixer en m'adressant juste la même question, le même regard scrutateur que provoquait sa propre présence. Nous étions trop éloignés l'un de l'autre pour nous parler, mais il vint un moment où, eussions-nous été plus rapprochés, une apostrophe quelconque, rompant le silence, serait certainement résultée de notre façon, mutuelle et sans détour, de nous dévisager. Il se tenait à l'angle plus éloigné de la maison, très droit, je le remarquai, ses deux mains appuyées au parapet. C'est ainsi que je le vis, comme je vois les lettres que je trace sur cette page. Puis, exactement une minute plus tard, comme pour renforcer le spectacle, il changea lentement de place et passa sans me quitter de son regard fixe au coin opposé de la plateforme. Oui, je sentis intensément que, pendant ce déplacement, il ne cessa pas de me regarder, et à cette heure, je vois encore comment, à mesure qu'il marchait, sa main se posait sur les créneaux les uns après les autres. Arrivé à l'autre angle, il s'arrêta, mais moins longtemps, et tout en s'en allant, il continua de me fixer avec insistance. Il s'en alla, et ce fut tout.